Depuis que tu n'es plus là, je ne peux plus rien voir. Depuis que tu es parti, je ne peux plus entendre. J'espère que tu reviendras.